qui c'est qui parle? Bonjour, les malfecteurs. Oh, mais gardez donc, ça, c'est un grand malfecteur. Il parle pour les petits gamins. Je me rappelle, ça, c'était des cons de l'an passé.